et à ce personnage-là, mais aussi à tous les autres qui l'entouraient, dont Bernard Boucrot, qui fut un des trois intimes. Donc à travers tous ces personnages qu'on aurait dû voir, ben, on a finalement l'idée de, j'allais dire, de ce qu'on ne trouve pas dans les trois premières biographies, à savoir un homme politique. Si on regarde les trois biographies, la première c'est celle d'Alain Sergent, qui a été rééditée il y a quelques années chez Éditions Libertaires. Puis on trouve, mais qui est sortie initialement en 1950, la seconde, c'est celle de Bernard Thomas, journaliste au Canard Enchaîné, à 170, chez Tchou. J'allais dire, la troisième, c'est encore Bernard Thomas, mais il refait quasiment le même livre à quelque chose près. Ce sont les mêmes mots, les mêmes lettres qui ressortent chez Mazarine en 1998. On pourra après expliquer les rares choses qui changent. Et enfin, il y a celle, la version de William Caruchet, avocat lissois, en 1993. Alors je ne parle pas des écrits de Jacob, hein. Il ne constitue pas une biographie en tant que telle, il constitue, j'allais dire, une immense masse de sources. Alors pas toutes, mais vraiment réellement, réellement immense. En tout cas, il y a toute la correspondance de Jacob au bagne, plus quelques dossiers de presse de l'époque du jugement du procès d'Amiens, plus des rapports de police et etc etc. Bref, à la limite, voilà moi pourquoi j'ai fait ça, parce que en lisant cette version des écrits, la première, pas celle-là, je me suis dit, tiens, il y a un corpus de recherche qui fait que ça ne correspond pas aux trois premières biographies, parce que dans les trois premières biographies, on a l'image d'un aventurier. Hein, si on lit les trois premières biographies, ben Jacob, c'est un voleur extraordinaire qui a des aventures extraordinaires, qui va être condamné d'une manière non moins extraordinaire parce que son procès fait sensation, qui va vivre 19 ans au bagne et qui va là aussi vivre des aventures extraordinaires. Il va il va commettre 19 tentatives d'évasion. Bref, on a l'impression que c'est Arsène Lupin, ce bonhomme-là, et il en réchappe. Donc, alors que le docteur Rousseau, qui fut un des copains d'Alexandre Jacob et avec qui il a écrit Un médecin au bagne en 1930, a montré que l'espérance de vie du bagnard à son arrivée n'est que de 5 ans. Et Jacob va en subir 19 ans. Donc l'image qui ressort de ces trois biographies, finalement, c'est celle d'un surhomme, d'un super voleur. C'est super voleur avec la cape, mais on a alors effectivement, on parle de l'anarchisme de Jacob, mais on a l'impression, en lisant les trois bios, que cet anarchisme passe au second plan, là où il aurait fallu, pour le comprendre, le mettre au premier. C'est-à-dire qu'on a une démarche complètement inversée, que démontrent les écrits de Jacob, et puis que démontrent aussi tout ce qu'on a pu retrouver dans les archives. Alors les sources, c'était pas bien difficile, elles existent, c'était les sources orales, les personnages qu'on aurait dû voir dans le documentaire. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a le président du syndicat d'initiative de Reuilly qui, même s'il n'a pas connu grand-chose de Jacob, a au moins cet avantage d'avoir fait perdurer la mémoire localement du bonhomme. Il y a Guy Denisot, qui sur Lussault-sur-Loire, lui aussi a très bien connu Jacob, il l'a même accueilli dans sa maison à la fin de sa vie. Et puis il y a des sources, des sources publiques, archives de police, archives de l'outre-mer, archives nationales et les sources privées, toute la correspondance que possède désormais le CIRA, mais que possède aussi Josette Passas, puisque sur les deux dernières années de sa vie, il a entretenu une intense correspondance avec elle, dont on trouvera quelques extraits dans les écrits composés. Au départ, c'est que platonique. À travers cette correspondance, qui est faite d'environ 160 lettres, on a des éléments de réponse à finalement qui est Alexandre Jacob, à savoir un homme politique. Un homme politique, d'où la question qui pourrait paraître d'actualité, parce qu'on a l'impression que cette idée de vol, de grand banditisme aujourd'hui, est très à la mode, soit parce que l'actualité remet le terrorisme, le vol sur le terrain. Je ne citerai pas le 11 novembre, mais n'empêche que l'allusion, elle est là. Soit que l'actualité culturelle, avec des films comme Mesrine, Spadjari, ou même il y a 4-5 ans, les Brigades du Tigre, on a l'impression d'une espèce de retour du diable noir anarchiste sur le devant de la scène. Et fatalement, quand on parlera de Jacob, on parlera du voleur et non moins d'une espèce de théoricien. Et cette idée du théoricien, on peut la voir au procès d'Amiens. Alors c'est vrai que le peu que vous avez pu voir dans le docu tente de le montrer. La technique, hein, c'est ce que je disais, elle est toute simple, hormis capter l'attention. On a une thématique, une dialectique qu'on va retrouver finalement chez tous les propagandistes par le fait, à savoir que, puisque de toute façon je vais être condamné, de toute façon je m'en moque, je vais faire le procès de la société. C'est ce qu'il fait en disant que la société lui a laissé quasiment aucune chance, à savoir... la seule solution qui lui restait, c'était la mendicité ou la prostitution du travail. D'où la phrase de Jacob, j'ai préféré être voleur que volé. Et ça, on me l'a souvent reproché à la soutenance de thèse, à savoir, est-ce qu'il est possible de qualifier ces personnages qui étaient des militants, est-ce qu'on peut les qualifier de théoriciens de leurs actes? La réponse, elle est évidente, c'est oui. C'est oui, pourquoi? Parce qu'ils dressent un constat social qui s'appelle la lutte des classes. Ils proposent une solution, un moyen qui s'appelle le vol pour Jacob, qui s'appelle le vol pour Clément Duval, qui s'appelle le vol pour Pigny, mais qui peut aussi s'appeler le vol pour Henri ou Ravachol, ou les copains de Ravachol, qui s'appellent la bombe, c'est-à-dire des moyens violents. Et ils ont un but. Bref, on a un panel complet, mais ça s'appelle dialectiquement et politiquement, ça s'appelle une théorie. Ça serait trop facile de leur nier ce droit-là, parce qu'en niant ce droit-là, on les sort du champ politique. On les sort du champ politique pour en faire strictement des droits communs tels que les lois scélérates de 92 et 93, 92, 93 et 94 les définissent. Donc on en arrive à finalement dans leur dialectique, puisque vous allez me condamner, ben voilà j'étale, je vais vous expliquer ce que c'est, puisque je ne peux plus faire ma propagande par le fait, ben je vais passer à la propagande par la parole. Et là, on a finalement un vol qu'on peut mettre au second plan pour voir qu'on est plus dans des réels militants, et c'était là un des intérêts du travail. Replacer à travers Jacob cet illégalisme dans l'histoire de l'anarchisme. Parce que non seulement la presse de l'époque leur a nié cette expression politique, mais faut savoir aussi que la maison anarchie ne leur a pas forcément fait de cadeaux. Alors c'est vrai que dans le livre, je me sers de Jean Grave. Il n'y a pas que Jean Grave, mais Jean Grave, c'est le modèle du genre, puisqu'il compare les voleurs à des parasites. Et il dit, grosso modo, le voleur est comme le bourgeois, c'est un parasite. Ce à quoi Jacob répond dans les souvenirs d'un révolté, ou même dans la déclaration là, il dit, mais certes, oui, on est des parasites, mais à la différence, le bourgeois est un parasite destructeur, est un parasite constructeur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... il se sert de sa victime pour pouvoir grossir, tandis que nous, voleurs, on est des parasites destructeurs qui ne visons qu'à la fin de ce monde d'exploitation. On retrouve ce genre de propos continuellement dans la bouche de Jacob, Ce qui me permet de passer à la troisième, au troisième type de condamnation, à savoir la condamnation des historiens. Je ne parle pas des romanciers, hein, des trois biographes qui ont travaillé sur Jacob, mais des historiens. Là, pareil, je prends un modèle, à savoir les travaux de Jean Métron. Alors, c'est vrai que Jean Métron, c'est 1948-1950, c'est daté, mais ils font tellement référence qu'ils ont marqué encore aujourd'hui, ils marquent encore aujourd'hui la vision et de l'anarchisme et de ces actes dits violents, propagande par le fait, illégalisme. La preuve, c'est que chez Avron, chez Guérin, chez Métron et chez beaucoup d'autres, on va trouver un vocabulaire médical pour parler de la propagande par le fait. On va entendre les termes de une frénésie de bombes, une épidémie, des termes de psychologie aussi, c'est tout ça pour noircir finalement ces pratiques-là contre vis-à-vis desquelles ils ne sont pas d'accord. Or, finalement, tout montre le contraire. Et c'est vrai que Jean Métron, pour condamner ça, il va se servir de deux faits. Il se sert de Jacob et il se sert de la bande à Bonneau. Je commence par le plus simple, la bande à Bonneau. Il dit, après la propagande par le fait, la maison anarchie éclate en plusieurs familles, dont l'individualisme, d'où découle l'illégalisme. Et puis il décrit la violence de ces illégalistes en disant, au point de vue strictement politique, certains de leurs principes n'étaient pas tous à proprement parler mauvais. Interrogation, ça on le trouve dans le mouvement anarchiste, mais on le trouve aussi dans le petit bouquin cherché Julliard qui s'appelle Ravachol et les anarchistes. Et puis il cite comme exemple d'action, de prise de parti qui ne soit pas proprement parler mauvais, le fait que les compagnons de Romainville, dans les locaux du journal L'Anarchie, de Libertad, étaient solidaires entre eux, qu'ils aimaient lire, ils allaient au théâtre, et même, ils buvaient de l'eau. Donc si on enlève tous ces points positifs, non, buver de l'eau, c'est pas boire de l'eau, c'est pas positif. Ouais, ça trouble Ricard. Si on enlève ces quatre points-là, ça voudrait dire que tous les autres points sont négatifs, c'est-à-dire le vol, la jouissance immédiate des fruits de la production, le droit de vivre qui ne se mendie pas, qui se prend. On a un raisonnement dialectique qui fausse la vision réelle. Le deuxième cas pour ces Jean Métron par rapport à Alexandre Jacob. Là, c'est encore, j'allais dire, un peu plus pervers. Bon, il faut savoir que Jean Métron, c'est quand même un auteur communiste et qu'il a une vision assez particulière de l'anarchie. Encore aujourd'hui, on a du mal à imaginer un mouvement ou l'importance d'un mouvement qui ne soit pas un mouvement où il y aurait des cartes avec où on adhérerait et ainsi de suite. Pour utiliser Jacob, Jean Métron, va se servir de ce que Jacob lui a donné, à savoir les souvenirs racis d'un demi-siècle, écrit à la demande de Jean Métron en 1948. Alors, ce sont des petits feux, une lettre de 7-8 pages dans laquelle Jacob se raconte, et si je me souviens bien, c'est là, voilà. Sur ces 7-8 pages, Jean Métron ne retient que ça pour dresser le constat de l'échec. Et Jacob écrit « Je ne crois pas que l'illégalisme puisse affranchir l'individu dans la société présente. Si par ce moyen il réussit à s'affranchir de quelques servitudes, l'inégalité de la lutte lui en suscite d'autres, plus encore plus lourdes, avec au bout de la perte de la liberté, de la mince liberté dont il jouissait, et parfois de la vie. Au fond, l'illégalisme considéré comme un acte de révolté est plutôt affaire de tempérament que de doctrine. » Alors c'est très bien, je ne crois pas que l'illégalisme puisse affranchir l'individu de la société présente. Et Jean Métron dit, les illégalistes sont dans l'échec dès le départ. Mais de quelle société présente il s'agit? Est-ce que c'est celle de la Belle Époque où s'est développé cet illégalisme-là, ou c'est celle de 1948, c'est-à-dire de l'immédiate après-guerre, où on a un homme qui a 71 ans, dont la mère vient de mourir, dont la femme est atteinte d'un cancer, dont les affaires ont périclité, alors qu'elles étaient plus ou moins florissantes, les marchés de Jacob étaient relativement florissants, et là il se retrouve sans un argent. Bref, un homme qui plus est à placer dans le contexte d'un mouvement libertaire qui est en pleine déconfiture dans ces années-là, qui n'a pas encore rebondi avec 68. Bref, la vision de Métron, elle est partielle. Elle est d'autant plus partielle que il n'utilise pas d'autres correspondances qu'il a eues avec Jacob, et notamment celle où Jacob lui dit dans des lettres « Non, je n'ai pas honte de ce que j'ai fait, j'aurais plutôt honte d'avoir honte. » C'est un premier point, et Métron ne l'utilise pas de la même manière. Il n'utilise pas une lettre qui est datée de 1950, je crois, dans laquelle il annonce finalement son envie de suicide avec lui et sa femme, et dans laquelle il dit « Si je n'avais pas cet âge-là, je n'irais pas faire la respectueuse sur les marchés, j'irais plutôt rendre visite à quelques trésoriers payeurs. » Donc, l'homme qui condamne l'illégalisme, c'est un peu un maître dans... C'est un peu réellement à critiquer. Et c'est d'autant plus à critiquer que si on lit la correspondance de Jacob à Josette, notamment une des dernières lettres qui doit dater de mai ou d'avril 1954, dans laquelle il dit « Dans le cadre d'une guerre sociale, je préférerais tuer un homme plutôt que d'égorger une poule, car égorger une poule, c'est faire office de bourreau. » On a donc bien un homme qui, un, ne renie pas ses convictions, et deux, dont l'illégalisme est avéré. Qui plus est, si... même en admettant qu'il ne soit plus illégaliste en 1950, ça ne veut pas dire qu'il l'ait condamné en 1905. Et en 1905, une fois de plus, tous ces actes, aussi extraordinaires soient-ils, sont des actes politiques. Par voie de conséquent, toute cette théorie du vol, il faut la mettre en parallèle avec son temps, c'est-à-dire celle de la répression d'un mouvement politique qui a marqué les masses, qui s'appelle l'anarchie. Répression nettement accrue à partir des années 1894, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les lois scélérates. Et c'est ce qui explique les 19 ans d'Alexandre Jacob au bagne. Mais toute cette histoire, toute cette biographie de Jacob, mais d'abord, et je terminerai par là, mais d'abord en avant l'idée de réseau. Quelles que soient les trois premières biographies, on a l'histoire d'un homme. Ce que j'essaie de montrer moi, c'est que du début à la fin, cet homme, il n'est pas tout seul. Quand il cambriole, alors certes, on a une bande, même si le mot de bande est inadéquat, qui s'appelle les travailleurs de la nuit, mais ça va au-delà. Et le sergent le dit parce que Jacob le lui a dit, la plupart des leaders, avec guillemets, anarchistes de l'époque, étaient au courant de ces activités. Et sans les activités de Jacob, cette maison anarchie n'aurait pas pu fonctionner. Le documentaire, avant qu'il nous explique, cite le libertaire, site Germinal, on pourrait même citer des non-anarchistes avec les bureaux de la guerre sociale de Gustave Hervé, et dans les trois cas, c'est prouvable. C'est prouvable puisque Jacob l'a dit, l'écrit à sa mère dans les années 1913-1915. Sa mère qui lui demandait s'il avait cambriolé les locaux de la guerre sociale, lui dit « Mais comment ça j'ai cambriolé? C'est pas possible, j'ai plutôt donné quelques subsides. » Pour Germinal, c'est aussi prouvable, puisque dans le numéro 1 de Germinal, qui paraît pas, comme le dit le documentaire, au mois de janvier 1905, mais au mois de décembre 1904, dans le numéro 1, on a une liste de souscripteurs. Et dans ces souscripteurs, on retrouve quasiment tous les anarchistes militants amiénois. Il y en a une quinzaine, une vingtaine, et cette quinzaine, cette vingtaine de militants vont tous verser entre 2 francs et 25 centimes. Ils constituent, 10% de la liste des fonds qui ont été nécessaires à la création de Germinal. Tout le reste, les 90%, c'est un mystérieux prénom qui apparaît. Ce prénom, c'est Alexandre. Donc, sans commentaire. Premier réseau, on a un homme qui n'agit pas tout seul et qui agit d'une manière politique et organisée. Deuxième idée du réseau, le bagne. Comment imaginer qu'un homme ait pu survivre tout seul sans l'idée de soutien? Et on retrouve notre réseau anarchiste parce que au départ, le seul lien de Jacob avec l'extérieur, c'est sa mère. Et je n'arrivais pas à comprendre comment ce personnage-là a pu recevoir de sa mère des tonnes et des tonnes de livres, de journaux, de matériel, des revolvers dans une boîte de sardines, du matériel flottant pour pouvoir s'évader des îles du Salut. Bref, un nombre incroyable, on dirait quasiment le catalogue de chez Manu France. Alors que cette bonne femme-là, elle travaille comme couturière dans les cabarets parisiens, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un salaire mirobolant. Ce qui veut dire que derrière, il y a des gens qui lui donnent de l'argent. Il y a des gens qui lui donnent de l'argent, puis il y a des gens qui organisent aussi des tentatives d'évasion, et ça s'est prouvé, il y a des rapports de police. C'est Jean-Charles Malato qui, en 1908, organise un mariage blanc pour faire sortir Jacob des îles du Salut. Alors Olivier, qu'on voit dans le reportage, dit « pas site de Cayenne ». Et effectivement, Jacob n'est jamais allé à Cayenne. Pourquoi ? Parce que on mettait systématiquement les anarchistes, depuis 1894, on les met systématiquement aux îles du Salut, parce qu'ils sont anarchistes. Alors sur les îles du Salut, il y en a 3. Il y en a une qui est plus particulière, qui va permettre à Bernard Thomas, dans la version de Chetchou, de dire que Jacob a passé un quart de siècle à l'île du Diable. Alors voilà une erreur qui est facilement démontrable. L'île du Diable, c'est là où a été enfermé Dreyfus. Alors rapprocher Jacob de Dreyfus, c'est bien gentil, ça permet aussi de faire vendre plein de bouquins. Mais les anarchistes, en vertu des dites lois scélérates, ne sont pas considérés comme des criminels politiques, mais surtout comme des droits communs. Or, à l'île du Diable, on ne met que les politiques, c'est-à-dire les traîtres à la patrie, ceux qui auraient vendu des secrets aux ennemis, c'est-à-dire à l'Allemagne. Conclusion, on a un bonhomme qui va rester quasiment un quart de sa vie sur l'île Saint-Joseph où se trouve la réclusion et sur l'île du Diable et sur l'île Royale, pardon, lapsus. Réseau de soutien à l'extérieur, réseau de soutien et d'entraide à l'intérieur, puisque il réussit alors ils parlent tous de 19 évasions. Concrètement, aux archives nationales et aux archives de l'Outre-mer, où sont conservés tous les dossiers de bagnards, de la création du bagne jusqu'à sa fermeture, c'est-à-dire de 1854 à 1954, on peut au mieux en restituer une quinzaine. Une quinzaine, ce qui est déjà pas mal, mais on ne s'évade pas tout seul, ça c'est clair, ce qui veut dire que ça suppose une organisation, ça suppose des réseaux de soutien, et ainsi de suite. La libération de Jacob également, 1925, alors tout le monde en parle, mais on a l'impression que ça vient comme un cheveu sur la soupe, ça ne s'expliquerait que par la volonté de Marie Jacob d'aller frapper à la porte du peuple du journal Le Peuple, qui est le journal de la CGT parisienne à l'époque, et puis il y a celle du quotidien, du journal qui a une obédience plus nationale, qui s'appelle Le Quotidien, et que cette campagne de presse qui démarre en février-mars 1925 va faire libérer le bonhomme. C'est vrai que la campagne est à l'origine, ou en tout cas est le déclencheur de la libération. Mais on ne peut pas comprendre cette campagne s'il n'y a pas l'idée de réseau. Marie Jacob, j'ai dit tout à l'heure, elle est couturière dans les théâtres et les cabarets parisiens. Après sa libération, au mois d'octobre 1905, puisqu'elle a été jugée en appel après Amiens. Elle avait été condamnée à 5 ans de prison à Amiens. Et en devenant couturière dans les cabarets parisiens, elle se lie avec une artiste... Non, non, mais c'est pas grave. Chez nous, il y a la Vologne. c'est de l'humour. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc, elle est... Et en tant qu'artiste, en tant que couturière, elle se lie avec une artiste d'origine roumaine qui s'appelle Romanitsa. Et cette Romanitsa se marie en 1915 ou 1916 avec un avocat qui s'appelle André Aron. Ce qui veut dire que on a déjà des réseaux anarchistes pour aider Marie Jacob. On va désormais avoir des réseaux de justice, le nom des avocats du barreau de Paris. Mais ce André Aron n'est pas que avocat, puisque c'est aussi un homme de commerce, et même un des premiers à avoir fait du commerce avec l'URSS naissante. Hein, puisque dès 1922 s'ouvre une maison de commerce autorisée par l'État français vers l'URSS. Et André Aron ouvre cette maison de commerce grâce à l'appui de son ami, le sénateur maire de Cahors, Anatole de Monzy. Donc on est passé des anarchistes au monde des avocats, à celui des hommes politiques dits de gauche, puisque Anatole de Monzy est radical socialiste. Et cet Anatole de Monzy, en 1924, il intègre le gouvernement dit du cartel des gauches, c'est-à-dire que on passe désormais dans le milieu gouvernemental. À la même époque, il y a Albert Londres qui pond son bouquin, qui crée en effet une réelle bombe, même si hein, les idées de suppression du bagne, elles existaient antérieurement. Mais il n'empêche que au bagne, j'allais dire que l'institution pénitentiaire a du plomb dans l'aile, pas vraiment mortel, puisque il faut attendre 1938 pour que la loi, pour que l'État français arrête d'envoyer des bagnards, mais il n'empêche que tout ça fait que quand démarre la campagne de libération dans Le Peuple et dans Le Quotidien, ça aboutit à une pétition qui est envoyée au président de la République, et au mois d'octobre 1905, on a un Jacob qui est libéré. 1925, ouais, systématiquement je fais les erreurs. Alors il est libéré du bagne, hein, il n'est pas libéré totalement, puisqu'il lui reste encore 5 ans, sa peine de travaux forcés à perpétuité échangée en 5 années de réclusion à faire sur le continent. On pourrait se dire, ça y est, c'est une grande victoire. Ben non, les réseaux fonctionnent tant et si bien que ben, Marie Jacob pousse encore plus le système et ses soutiens à demander une libération totale. Alors elle ne va pas réussir à l'obtenir, mais elle va réussir à obtenir une remise de peine, puisque les portes de la prison de Fresnes s'ouvrent de manière définitive pour Jacob le 30 décembre 1927. C'est-à-dire que là où, logiquement, il aurait dû être libéré en 1930-1931. Conclusion, oui, ce bonhomme-là ne peut pas se comprendre tout seul. Et oui, j'allais dire, pour terminer, la fin de sa vie n'est pas celle qu'on trouvera dans les trois biographies, ou en tout cas dans les deux dernières, parce que Sergent n'a pas écrit la fin de sa vie, je veux dire même il l'a suscité. c'est tout celle, sauf d'un homme isolé, puisque et chez Bernard Thomas et chez William Caruchet, on a le mot d'ermite qui revient. On a l'impression qu'Alexandre Jacob, quand il se fait marchand fourrin dans le Berry, c'est un ermite. Il refuse de voir, il se replie sur lui-même, c'est un homme seul, etc., etc. Déjà un marchand qui fait les foires et qui refuse de voir du monde, qui serait agoraphobe, je doute que ça puisse être crédible. Ensuite, même quand il arrête de travailler à partir des années 1950, ce bonhomme-là, il vit entouré des personnes que j'ai citées précédemment et qui viennent constamment le voir. On imagine mal un ermite balancer des articles à Défense de l'Homme, à l'Unique, etc., etc. Conclusion, oui, et c'est ce que j'ai essayé de faire, oui, on est en présence d'un bonhomme qui a toujours été fidèle à un idéal, que cet idéal soit condamné par certains aujourd'hui et parce que considéré comme violent et en dehors de la loi. Bref, oui, on a un honnête cambrioleur, oui, on a un honnête anarchiste. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, on a du temps pour poser des questions, débattre, éclaircir des points de la vie de Jacob, sachant que les livres qui sont là sont en vente, hein, oui. Vous pouvez vous les procurer aussi. Ensuite, le calendrier du CIRAC. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, il est encore bien déchet. Parce qu'il a pu rester beaucoup d'ici le 31 décembre. Oui, tu peux. Pas de questions. Si, pour dire donc la différence entre la thèse et un volume, le volume chez ACL. La thèse, c'est 6 ans de travail. C'est un travail dit universitaire avec plein de notes et un vocabulaire adéquat pour faire plaisir aux juges. Oui, ce sont des juges. Hein, tu dis que ça durait 4h30 et que c'était une épreuve pas très facile. Heureusement qu'il On a l'impression. Il y avait 60 personnes dans le public pour soutenir. Oui, ils ont fait tout. Donc ça ressemble un peu à un tribunal. C'était sans condamnation. Même, pire que ça, c'était même très stalinien, puisque il fallait reconnaître soi-même ses erreurs et ainsi de suite. Ça va jusqu'à des reproches d'une stupidité incroyable. Du genre, vous avez écrit capital avec un K, c'est fait exprès. Jusqu'à des questions qui révèlent la méconnaissance du fait anarchie, et notamment sur la question de la théorie. Systématiquement sur les 5 jurys, les 4 membres du jury, puisque mon directeur de thèse, lui, il a plutôt brosser un portrait plus que positif, sont revenus sur cette idée, peut-il y avoir une théorie du vol ? Peut-il y avoir une théorie du vol ? Et on a beau leur expliquer ce que j'ai dit, à savoir, on dresse un constat, on donne des moyens, on se donne un but, ce qui s'appelle une théorie, non. Ils sont toujours dans cette vision d'une histoire qui serait une histoire institutionnelle ou une histoire où prime l'encartage, qui est totalement différent de ce qu'on peut retrouver dans l'histoire anarchiste. Donc bref, une fois que la thèse a été soutenue, Claire Ozias, qui avait lu ma thèse, qui m'avait donné des conseils pour préparer, etc., etc., a envoyé le CD de la thèse à l'ACL, qui a téléphoné immédiatement, et après a commencé un travail de un an et demi, pour enlever des notes. Il y en avait 3 ou 4 000 des notes pour éclaircir le propos et le rendre un peu plus vivant. Donc voilà grosso modo la différence. Tout en maintenant, maintenant, puis il y a des points communs, à savoir cette problématique, on est en présence d'un homme politique. citation que tu as donnée du milieu, tu es donc hébergé, cette citation vient de c'est en mai 1954, c'est, il écrit ça à Josette Passas, qui est sa dernière compagne. C'est lui, c'est de Jacob qui l'écrit. Bon, en tant qu'archiviste, je dois dire que je trouve ça atroce. Donc, c'est une composition atroce. J'aimerais bien savoir. La poule étant le gallinacé. Je ne sais pas trop bien. C'est Mille-Henri. Mais Mille-Henri. Est-ce qu'il y avait une différence d'opinion entre les voleurs, les expropriateurs, des choses, des matériaux, ou est-ce qu'il y avait un soutien traditionnel à des attentats contre les hommes? Parce qu'on connaît bien des itinéraires aussi des anarchistes traditionnels, on connaît Marguerite-Marc comme Louise Michel, qui ont soutenu des attentats tout d'abord dans leur vie et qui ont pris une opinion tout à fait différente au début du XXe siècle, quand ils ont vu que cette phase-là de propagande de Marguerite-Marc n'a pas seulement fait étonner les clients ou l'anarchisme. Oui, mais si c'était vaillant, il y a des avantages. Il y a des personnes, des gens, des députés, des juges, des archives, qui a dit qu'on n'avait rien d'or et des députés. Mais je n'ai pas parlé de cette chose-là, j'ai parlé de la bombe à frapper qui a tué 6 personnes, n'importe quelle personne, qui ne sont pas les rois ni les présidents de la République. Renard, on peut citer aussi Ravachol qui va à. Qui va flinguer l'ermite de Chambles uniquement pour lui piquer son magot. Toujours Ravachol qui, après le coup de l'ermite de Chambles, donc toujours autour de Lyon, va assassiner deux bonnes dames à coups de marteau en leur fracassant la tête littéralement pour leur piquer dans un magasin pour leur piquer leur fric. On peut citer également c'est Léautier qui plante son tranchée de cordonnier au hasard dans un restaurant. Il se trouve que heureusement c'est le ministre de Serbie Georgevic. On peut en citer plein d'autres et tous revendiquent hautement leurs actes et tous vont avoir, ils savent qu'ils sont condamnés. Alors on peut estimer que c'est de la provocation, mais chez Henri ça va plus loin, c'est d'où son surnom de Saint-Just de l'anarchie. Saint-Just qui disait on ne fait pas de révolution sans couper de tête. Émile Henri dit, un, ils étaient tous coupables, et deux, je regrette de ne pas en avoir tué plus. Attention, j'ai pas dit que j'approuvais, hein. J'ai dit que ils ont tout de suite été décriés pour ce genre d'action-là et qu'on les a très vite non considérés comme anarchistes. Et ça c'est historiquement, c'est une erreur. Alors c'est vrai que tu cites Louise Michel, tu cites... moi j'ai utilisé Jean Grave parce que c'est le stéréotype de la condamnation. Parce que quand il écrit ses 40 ans de propagande anarchiste, Jean Grave non seulement avance ses arguments, mais en plus il déverse son fiel. Et c'est donc très facile à démonter. Hein, c'est pour le voleur qu'il associe aux individualistes. Pour Jean Grave, il dit oui, de toute façon, ils se disent théoriciens, mais en fait c'est que des mouchards de la police. Donc des mais je ne vois pas pourquoi on ne les considérerait pas comme des anarchistes. Même si... mais il ne faut pas oublier, c'est une chose que je n'ai pas dite non plus, que même un Émile Henry, même quand ils ont tué, ils se placent en plein dans les recommandations du Congrès de Londres de juillet 1881, qui disait que sortir de la voie légale est la seule est le seul moyen qui mène et la seule voie qui mène à la révolution. D'où la phrase et les provocations d'Émile Henry à son procès. Hein. Je n'en ai pas tué assez. Si je les ai tués eux, c'est parce que ces gens-là participent à un système que je veux détruire. Oui. Et le. C'est pas le cas de Jacob. Jacob a un rapport de vengeance. Le rapport de vengeance est sur une place, mais dans un rapport de vengeance qui a été ignoré. Absolument, il n'y a pas de faits qui sont des faits déclencheurs. On sait très bien que la vague de propagande par le fait de 92 à 94, elle est déclenchée par le 1er mai 1891, où Dardard, Descamps et Léveillé sont arrêtés lors de la manifestation de Clichy et vont subir un passage à tabac sévère, torture, et Ravachol se lance dans sa fabrication de bombes. Mais il n'empêche que quand ils savent qu'ils vont être condamnés, ils vont théoriser leurs actes. Parce que je vois pas pourquoi on reconnaîtrait à ces gens-là. Alors ce qui est facile à démonter au niveau des historiens, on va dire, regardez, un Jean Grave, une Louise Michel, un Sébastien Faure ont un discours, ont une éducation, ont une rhétorique. Les autres, on retrouvera souvent, ce sont des gens qui viennent du peuple. Ce sont des gens qui viennent du peuple, c'est des prolos, hormis peut-être Émile Henry, puisque lui, il est admissible à Polytechnique, effectivement. Tous les autres, ont quitté l'école dès 11 ans. Alors, je ne prends pas le cas de Jacob, dont les écrits prouvent que même quand on se quitte l'école très tôt, on est capable, notamment au XIXe siècle, d'avoir une haute tenue intellectuelle. Mais prenons le cas de Léon Pélissard. Un des compagnons de Jacob dans la bande des travailleurs de la nuit, Léon Pélissard est quand même il a subi, il me semble, 11 condamnations avant d'intégrer les travailleurs de la nuit, de connaître Jacob. Et comme Jacob, il utilise la même méthode au procès, c'est-à-dire provocation, on place des discours. Il est aussi l'auteur de quelques chansons dont on retrouve, qui ont été mises en musique pour la première fois en 2004, à l'occasion de la réédition des écrits. La première chanson, ce sont les conseils à un pègre, où il écrit « Pour la guerre au château, tu ne seras pas chiche, respecte le prolo des valises le riche, comme un vrai chevalier du levier monseigneur, dépouille le bourgeois, le cynique voleur. » C'est quand même quelqu'un qui a une certaine maîtrise de la langue, et de la rime. Dans la deuxième chanson, il sait une fois de plus qu'il va être condamné et que là il tombe sous le coup des lois de 1894, et ces lois scélérates. Il en appelle à l'égorgement des bourgeois, que ta puissante main prête pour la bataille, porte partout la mort au rang des oppresseurs, frappe partout des stocks et de taille, jusqu'à l'extinction de tous les affameurs, de tous ces vils bourgeois égorgés dans les villes, offres-en l'hécatombe aux vivaces corbeaux, que toutes les prisons infernales Bastille s'écroulent pour toujours sur leur corps en tombeau. Et il a quitté l'école à 11 ans. Donc on leur dénie un droit à l'expression à ces gens-là. Tout d'abord, on fait une différenciation entre des gens pauvres qui n'ont pas vraiment de longue vie intellectuelle, des choses comme ça, qui doivent devenir comme ça. Je fais pas. À l'époque, il y avait autant de gens comme ça, avec un itinéraire comme ça, qui se sont mis à ce qu'on a, qui ont commencé une communauté. C'est pas forcément l'itinéraire comme ça. Certes. Et tu as des intellectuels qui ont critiqué les propagandistes par le fait. C'est pas comme ça. Certes. Je n'ai jamais oublié que ce sont des anarchistes. Mais il faut prendre en considération qu'au sein du mouvement anarchiste, il y avait. Et de plus en plus avec l'histoire, quand on dit plus les dégâts parce qu'on a agi un peu comme le mythe bourgeois a toujours montré. Ça, c'est pendant la chose que je ne vois pas pourquoi le bourgeoisie a l'intérêt de leur nier d'être anarchiste. Non, ils ont dit ça, c'est l'anarchisme. Ça, c'est le propagande bourgeois. Hein, et pas l'inverse. Et l'autre conséquence, les autres hommes ou gens très très importants à même époque, je dis une très bien connue, Tolstoï, il était anarchiste. Il ne se dit pas anarchiste à cause de l'époque de propagande parfaite. Et qu'est-ce qui se passe jusqu'aujourd'hui? On le dit, Tolstoï, il n'était pas anarchiste parce qu'il ne revendiquait pas anarchiste. Donc, je ne dis pas que Ravachol n'était pas anarchiste, que Mélenchon n'était pas anarchiste. Il fait partie de la famille anarchiste. Mais quand on dit en même temps que des gens qui sont des en réalité anarchistes, qui ont eu des propositions, qui ont eu des stratégies anarchistes, qui ont nié leur anarchisme parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas se revendiquer anarchistes à cause de propagande concrète, je dis quelque chose qui n'est pas vraiment bien dans l'histoire, dans les cultures. Deux choses. J'ai jamais dit que parce que ils avaient quitté l'école à 11 ans. Non, ça c'est pas ce type de discours-là. C'est pas moi. C'est ce qu'on constate dans les discours chez les historiens, chez certains historiens. En balançant des chansons comme je te l'ai donné, et ainsi de suite, ça te permet de contrecarrer ça. Effectivement, là où tu as raison, il y a eu, vis-à-vis de la propagande par le fait, il y a eu toute une réaction où fallait modérer son discours. Ce qui explique aussi pourquoi, quand Jacob est jugé en 1905, t'as que deux journaux qui prennent fait et cause pour Alexandre Jacob, Germinal, et on a vu pourquoi, et le libertaire. Je dirais que le libertaire est encore, puisque sur l'ensemble de la période du procès, tu ne trouves que deux articles. C'est-à-dire que quand tu prends fait et cause pour un acte dit de propagande par le fait, que tu tombes sous le coup de la loi des lois scélérates, qui, je rappelle que...